ses largesses à ses soldats et au peuple. Outre les 2000 sesterces qu'il avait fait compter à chaque fantassin des légions de vétérans, à titre de butin ou commencement de la guerre civile, César leur en donna 24 000. Il leur assigna aussi des terres, mais non contiguës, afin de ne point dépouiller les possesseurs. Il distribua au peuple 10 boisseaux de blé par tête et autant de livres d'huile, avec 300 sesterces qu'il avait promis autrefois, et auxquels il en ajouta 100 autres, pour compenser le retard. Il remit même, pour un an, les loyers dans Rome jusqu'à concurrence de 2000 sesterces, et dans le reste de l'Italie, jusqu'à concurrence de 500. À tous ses dons, il ajouta un festin public et une distribution de viande. Après sa victoire en Espagne, il fit servir 2 repas, car le premier lui avait paru peu digne de sa magnificence. Le second, donné 5 jours après, fut des plus somptueux.